ce nom me penche. Voudrais se quitter, se faire la belle. Comme on se souvient d'amour cruel. Ah. On l'apprivoise. Le dimanche égrène ses heures narquoises. Mais on n'en déchante pas pour autant. On tient notre chapeau au cou du vent.